sac sur la tête, c'est un pic, considéré maman. Autant supporter pour moi, le mois de dans un rayon. Maman chérie, ma douée. Si ma plume jodia, c'est grâce à vous, maman. Même si d'abord tout ça sur la terre, ça va suffit pour maman chérie, ma douée. chanson. Fais des moments ou même à Dieu, mon maman, Dieu. Maman, chérie, moi pas j'en prie ou. Faites maman arriver, tout le monde fait des moments. Ça qui pas gagné, maman. Mandez qui j'en y'a fait. Ça capote cadeau, ça capote belle fleur. Et maman de là, à la fête ou ta fête. Ça capote cadeau, ça capote belle fleur. Maman de là, où t'as pété, où t'as pété, où t'as pété. Maman, chérie, moi pas j'en prie. Oh, maman, pas de misère pour moi, pas j'en bouquet. Pour te capons la vie, qu'on y a moins vingt ans, ma travail, pour lever ou aller.